Le sujet de toutes les conversations, par L.T. Mead et Robert Eustace. Il arrive que l'on soit hanté par une idée ou par une personne. Vers cette époque, Vandeleur et moi-même commençâmes à faire des cauchemars au sujet de Madame Sarah. Elle nous visitait dans nos rêves et dans nos songes éveillés. Elle était également notre compagne. Nous soupçonnions en toute occasion son influence invisible. Nous redoutions de la voir dans la rue, au parc, au théâtre, en somme, partout où nous allions. Ce genre de situation était mauvais pour nous deux. Cela commence à nous taper sur les nerfs. Il en faut beaucoup pour ébranler les nerfs d'acier d'un homme comme Vandeleur. Néanmoins, je commence à penser qu'ils étaient sérieusement secoués lorsque je reçus un certain après-midi de fin octobre le billet suivant. « Mon cher Drouze, il y a de nouveaux développements dans la grande chasse. Venez dîner avec moi demain soir pour rencontrer le professeur Piozzi. De nouveaux problèmes sont en cours. » La grande chasse ne pouvait bien sûr signifier qu'une chose. Qu'y avait-il de nouveau? Au nom du ciel, qu'est-ce que le professeur Piozzi, le plus grand et le plus jeune savant de l'époque, avait à voir avec Madame Sarah? Mais la chance de le rencontrer était une forte incitation à accepter l'invitation de Vandeleur. Il était notre plus grand chimiste expérimental. 6 mois auparavant, son nom avait été sur toutes les lèvres en tant que découvreur d'une nouvelle solution d'éclairage artificiel qui, s'il était commercialement réalisable, remplacerait tous les autres moyens utilisés jusqu'alors. Le professeur Piozzi n'avait pas encore 30 ans. Il était italien de naissance, mais parlait l'anglais aussi bien que si c'était sa langue maternelle. À l'heure convenue, je trouvais Vandeleur debout près de sa cheminée. Une table dans une alcôve éloignée était dressée pour le dîner. Il me salua avec une lueur de joie dans les yeux. « Quel est le nouveau problème ? » demandai-je. « Il va sans dire qu'il a à voir avec Madame Sarah. »« Je suis heureux que vous ayez venu avant que Piozzi ne fasse son apparition. » fut la réponse grave de Vandeleur. Il marqua une petite pause, puis éclata avec véhémence. « Je dois à Madame Sarah une dette de reconnaissance. La traquer pour le plaisir est aussi exaltant que de chasser un tigre mangeur d'hommes. Je l'approche maintenant en observant les mouvements de sa victime. « Qui est la victime ? » interrompis-je. « Nul autre que le professeur Piozzi. »« Impossible !» répondis-je. « C'est néanmoins un fait, » répliqua-t-il. Le professeur, malgré son génie, est à bien des égards crédule, sans méfiance et facile à tromper. « Cependant, je ne parviens pas à comprendre, » dis-je. « Avez-vous déjà entendu parler du pouvoir subtil de l'amour ?» Tandis que Vandeleur parlait, il me fixa intensément, puis éclata d'un rire gêné. « Le professeur est amoureux, » dit-il. « Le dernier coup de Madame Sarah est vraiment inspiré par le génie. Il s'est mis à exploiter l'une des jeunes filles à l'allure la plus extraordinaire qui ait électrisé la société depuis bien des jours. Ce n'est pas sa simple beauté qui attire tout le monde vers Donna Marta, c'est sa singularité. Elle a toutes les manières d'une sirène qui s'ignore, car jamais personne ne fut moins conscient de soi ou plus apparemment indifférent à l'admiration. Je n'ai jamais entendu parler d'elle, m'étonnai-je. Alors vous avez laissé passer le sujet de conversation de la ville, Drouze, fut la réponse de Vandeleur. Donna Marta est au centre de tous les sujets de conversation de la ville. Personne ne sait d'où elle vient. Personne ne peut affirmer avec certitude que tel ou tel pays a eu l'honneur de la voir naître. Elle appartient à Madame Sarah. Elle l'accompagne partout où elle va, et le professeur Piozzi en est la victime. « En êtes-vous sûr ? » demandai-je. « Certain. Il l'essuie comme une ombre. Madame Sarah se tient plus ou moins en retrait pour le moment. Donna Marta est le leur. Nous entendons bientôt parler de fiançailles. Notre ami et cette jeune fille, dont personne ne connaît les antécédents. Madame Sarah a un objectif, bien sûr, elle prépare un mauvais coup. » J'avais pour habitude de ne jamais interrompre Vandeleur lorsqu'il expliquait l'une de ses théories, alors je m'adossais à ma chaise et le laissais continuer sans commentaire de ma part. En ce moment même, poursuivit-il, je sais par hasard que le professeur a mis au jour une autre de ses découvertes étonnantes dans les composés du carbone. Personne d'autre que lui ne sait encore de quoi il s'agit, pas même ses assistants. La semaine prochaine, il va faire exploser sa bombe dans le monde scientifique lors d'une conférence à la Royal Institution. Tout le monde s'y pressera, sur la pointe des pieds, plein d'attentes et de curiosité. La chose est pour l'instant un secret bien gardé, et le titre de la conférence n'est même pas mentionné. Il a l'intention d'électriser le monde. c'est son petit amusement de faire cela, comme il l'a fait pour l'affaire de la lumière à l'éthylène. L'homme est bien sûr un phénomène, un génie, probablement le plus brillant de notre temps. Il est absolument sans méfiance et totalement détaché des choses de ce monde. Je n'ai pas l'intention d'assister à sa ruine sans rien faire. « Je vois que vous êtes sérieux, dis-je, mais comment comptez-vous empêcher un homme qui est son propre maître d'adopter ses propres méthodes, même dans la subtile cause de l'amour? Supposons que votre jeune professeur aime Donna Martha, comment l'arrêterez-vous? Le temps le dira, remarqua-t-il, mais je l'arrêterai. » La sonnette retentit, et l'instant d'après, le professeur Piozzi entra. Je le regardai avec un vif intérêt. D'après ses photographies, reproduites abondamment dans les journaux illustrés, je m'attendais à voir un homme jeune et de belle apparence, au visage vif et intelligent. Mais j'étais à peine préparé à son apparence juvénile. Il était de haute taille, bien fait, quelque peu mince. Ses cheveux étaient d'un blond lin. Ses yeux étaient grands ouverts et d'un bleu clair. Il avait un front massif, des sourcils sombres et un visage rasé de près. Son allure générale était celle d'un jeune homme ordinaire, de belle apparence, et j'examinais ses traits avec une extrême curiosité, m'efforçant de déceler partout un signe de génie. Je n'en trouvais aucun. L'apparence du professeur était tout ce qu'il y a de plus commun. Aucun doute là-dessus. Il était bien habillé et avait des manières aisées et courtoises. Et à un doigt de sa main gauche brillait une bague, un cadeau du roi de son pays natal. Nous nous assîmes pour dîner, et la conversation fut légère, agréable et suffisamment spirituelle pour ne pas voir le temps passer. Nul ne savait mieux que Vandeleur comment mettre un homme à l'aise chez lui, et je voyais que Piozzi s'amusait comme un enfant. Ce ne fut que vers la fin du repas que le professeur nous fit tous deux sursauter et écouter avec une extrême attention. Il se mit à parler de Madame Sarah. Il en parla avec enthousiasme. C'était la femme la plus intelligente de Londres et, à une exception près, la plus belle. Ses connaissances scientifiques étaient merveilleuses. Il se considérait extrêmement chanceux d'avoir fait sa connaissance. « Le genre de connaissance auquel vous faites allusion ?» répondit Vandeleur, d'un ton très grave. « Cette connaissance scientifique que possède Madame Sarah, et qui n'est pas une simple teinture, mais une chose réelle, rend une femme parfois dangereuse. »« Je ne vous suis pas, » répondit le professeur en fronçant les sourcils. « Madame Sarah est tout le contraire de dangereuse. Elle aiderait un ami dans le besoin. Elle est aussi bonne que belle. » Vandeleur ne répondit pas. J'allais parler, mais je vis à son attitude qu'il préférait changer de conversation. Une fois de plus, nous bavardâmes sur des sujets moins passionnants, et ce ne fut que lorsque les domestiques se furent retirés que Vandeleur entreprit de dévoiler la véritable affaire de la soirée. « Alors, vous allez tous nous étonner la semaine prochaine, professeur, à la Royal Institution. Est-il vrai que vous et vous seul possédez la clé du discours que vous allez nous donner ?»« Tout à fait vrai, » répondit-il avec un sourire. « Je ne peux m'empêcher de voir les instincts dramatiques de ma race. J'aime les faits artistiques, et je pense pouvoir garantir à vous, chimiste anglais, un petit frisson samedi prochain. Mon article est prêt depuis un mois, et depuis que je l'ai terminé, j'ai passé un agréable moment. Jusqu'à il y a un mois, votre Londres était plus ou moins un livre fermé pour moi. Maintenant, Madame Sarah et sa jeune compagne, Donna Martha, me l'ont fait visiter. Je me suis amusé, aucun doute là-dessus. » Il se renversa dans son fauteuil et sourit. Cette femme organise les choses d'une manière des plus délicieuses, continua-t-il, et qu'elle reçoive dans ses merveilleux salons, à l'arrière de sa boutique du Strand, ou que je la rencontre chez des amis communs, ou au théâtre, ou à l'opéra, elle est toujours vive, enjouée, charmante. Donna Martha, bien sûr, ajoute sa part aux délices. Oui, tout est bonheur, continua le jeune professeur en se frottant les mains d'une manière enfantine. « Vous, Anglais, » ajouta-t-il, en fixant ses yeux bleus vifs sur le visage saturnin de Vandeleur, « vous êtes si terne, si, pourrais-je ajouter, triste. Et pourtant, » ajouta-t-il rapidement, « vous avez votre charme, oh, sans aucun doute, oui. Votre sincérité si merveilleuse, si, je devrais ajouter, rafraîchissante. On peut s'y fier. Mais Madame Sarah a aussi l'air sincère, et pourtant, elle possède la vivacité et l'enjouement apporté par la vie sous des cieux plus bleus que les vôtres. » Le visage du professeur était empourpré. Son regard allait de Vandeleur à moi avec empressement. Vandeleur rapprocha un peu sa chaise, puis, sans crier gare, comme s'il ne pouvait s'en empêcher, il se leva d'un bond. « Professeur Piozzi, vous avez rendu à notre nation peut-être involontairement, un hommage rare et précieux. Vous venez de parler de notre sincérité. J'espère que nous sommes sincères et j'espère aussi que tant que l'Angleterre restera l'Angleterre, la parole d'un Anglais sera son engagement. Le meilleur héritage qu'un Anglais puisse recevoir de ses ancêtres est le pouvoir de dire la vérité en toute occasion. Vous êtes mon invité ce soir. J'ai le plus grand respect pour vous. J'admire votre génie comme je n'aurais jamais pensé admirer le génie d'aucun homme. Il m'est des plus pénibles de devoir dire un mot qui pourrait vous paraître discourtois à vous, un invité d'honneur, mais mon héritage d'anglais me force à dire la vérité. Vous savez ce que je suis, un agent officiel de la police. Je serai tout à fait franc avec vous. Mon invitation de ce soir n'était pas purement désintéressée, pour jouir de l'honneur de votre compagnie, mais il y avait aussi pour but de vous donner un avertissement concernant Madame Sarah et la jeune fille qui l'accompagne en société. Elles sont toutes deux dangereuses. Je parle en connaissance de cause. Il est vrai que la jeune fille elle-même n'est, selon toute probabilité, qu'un outil. Mais la femme, professeur, j'ai déjà rencontré cette femme, mon amie de Rousse aussi. Notre rencontre avec elle n'a pas été agréable. Puis-je continuer ? Le visage du professeur était maintenant devenu presque cramoisi. Ses yeux bleus sortaient de leurs orbites. Il serrait et desserrait sa main droite comme s'il pouvait à peine se contenir. Les paroles de Vandeleur, cependant, semblaient le forcer à une attitude d'attention. Il écoutait comme hypnotisé. Mon ami se mit alors à brosser un tableau vivant de certains des épisodes qui nous étaient échus dans la vie de Madame Sarah. Il parlait lentement, avec une grande emphase et une grande précision. Il exposa son cas comme s'il s'adressait à un jury dans une cour de justice, marquant point après point avec brièveté et éclat. Lorsqu'il cessa enfin de parler, le professeur resta silencieux une demi-minute, puis il se leva d'un bond. Il tremblait et ses yeux lançaient des éclairs. « Monsieur Vandeleur, dit-il, nous ne nous connaissons que depuis un an. Pendant ce temps, nous avons eu quelques entretiens agréables. Votre profession n'est pas attrayante, même lorsqu'elle se limite à son cadre officiel. Mais l'introduire dans les affaires privées est intolérable. Vous dépassez les limites de la bienséance en me dictant le choix de la liste de mes amis. Veuillez comprendre que de cette liste, j'efface votre nom. » Il s'inclina sèchement et, traversant la pièce, prit son chapeau et son manteau et claqua la porte derrière lui. Je jetai un regard étonné à Vandeleur. Ses yeux rencontrèrent les miens. « Il faut bien qu'il se défoule, dit-il. J'ai agi pour le mieux et je ne le regrette pas. Il est amoureux de la mystérieuse jeune fille qui a été amenée en Angleterre sans aucun doute dans le but de causer sa ruine. Nous devons découvrir tout ce que nous pouvons sur elle le plus rapidement possible. Pauvre jeune professeur, j'aimerais le sauver et je le ferai, si c'est en mon pouvoir. » Ces talents de chercheurs ne doivent pas être perdus pour les gloires du monde scientifique. Vous devez admettre, Vandeleur, que vous avez été un peu dur avec lui. Admettons qu'il soit amoureux de Donna Martha. Pouvez-vous attendre à ce qu'il accepte votre avertissement sans broncher ? Vandeleur resta silencieux une minute. Je ne crois pas que mes paroles sévères lui feront du mal à la langue, dit-il. C'est un étranger. Il n'a pas le don d'un Anglais pour garder son sang-froid. Il se calmera bientôt. Et ce que j'ai dit lui reviendra en mémoire. Cela lui reviendra quand il parlera de Donna Martha, quand Madame Sarah jettera ses sorts sur lui. Oui, je ne regrette pas d'avoir parlé. Que supposez-vous que Madame Sarah recherche ? Interrompis-je. Quel peut être son mobile ? Ce n'est pas l'argent, car l'homme n'est pas aisé, n'est-ce pas ? Pas 1000 livres par an. Bon, il pourrait être millionnaire s'il voulait seulement utiliser ses idées commercialement. C'est la vieille histoire. Un homme fournit le cerveau et cent autres en profitent. C'est une éprouvette ambulante. Il se moque de savoir qui profite de ses inventions. Alors vous pensez qu'elle lui vole ses idées ? Bien sûr ! Elle va en voler une bonne, la lancer en Angleterre, en poche 1 million, et nous l'aurons perdue. Tant mieux pour la société si nous la perdons, ne puis-je m'empêcher de remarquer. Pas du tout bon pour moi, répondit le détective. J'ai misé ma réputation sur le fait de traduire cette femme en justice. Elle ne m'échappera pas. Vandeleur et moi restâmes à discuter encore un peu, puis je le quittai et retournai à mes appartements. Je veillai longtemps, occupé par plusieurs affaires. Mais lorsque je me retirai pour la nuit, ce ne fut pas seulement pour rêver de Madame Sarah, mais aussi de la fascinante jeune Donna Martha et du professeur à l'air juvénile. Je dînai avec Vandeleur le mercredi soir et je ne me doutais guère alors que les événements se précipiteraient bientôt vers une issue remarquable dans laquelle je devais jouer un rôle assez important. J'ai l'habitude de déjeuner au Sheep and Turtle, un moment que j'apprécie toujours au milieu de ma journée de travail, car j'y rencontre beaucoup de vieux amis et notre repas en règle générale est joyeux. L'un de mes compagnons les plus constants à ces occasions est un homme du nom de Samuel Pollack, l'associé principal de la firme Pollack et Harman, agent de brevet, dans Bishopsgate Street. Pollack est l'un de ces individus enjoués et de bonne nature qui font une agréable impression partout où ils vont. Il a de fortes corpulences et de visage quelque peu rubicon, un excellent homme d'affaires et un ami fidèle. Je l'apprécie depuis des années et je suis toujours heureux lorsqu'il occupe la même table que moi au déjeuner. Le vendredi suivant le dîner de Vandeleur, Pollack et moi nous nous rencontrâmes comme d'habitude. Je remarquai à son entrée dans la salle à manger une expression particulièrement joyeuse et satisfaite sur son visage. Il s'assit et commanda une pinte de la marque de champagne la plus chère. Il insista pour que je me joigne à lui pour une rasade de ce vin mousseux, et après avoir bu à sa santé, je ne pus m'empêcher de m'exclamer. « Vous semblez bien joyeux ce matin, Pollack. Vous avez réussi un bon coup. »« Oh oh !» fut la réponse. « Mieux qu'un bon coup, mon garçon. Les certitudes de nos jours, c'est à cela que je pense, et je viens d'en empocher une, et une belle. »« Racontez-moi tout, » répondis-je. « Quelle est l'histoire, Pollack ?» Il me fit un sourire quelque peu vague, qui me parut mêler une sorte de mépris à de l'amusement, et dit d'un ton impressionnant. « Une commission mirobolante, la plus grosse qui était sur le marché depuis 10 ans, des droits de brevet pour tous les pays du monde, et 100 actions attribuées gratuitement lorsque la chose sera lancée. Je vous le dis, Drousse, » ajouta-t-il en élevant la voix, « si ça marche, je me retire avec près de 15 000 livres par an. » « Vous êtes né sous une bonne étoile, cela ne fait aucun doute, » répondis-je un peu sèchement, car les manières de Pollack ne m'avaient jamais moins favorablement impressionné que ce matin. Il était manifestement presque hors de lui d'excitation. « Je vous félicite, bien sûr, » dis-je, après un moment. « Invitez-moi à la pendaison de crémaillère de votre château en Écosse, quand cet événement aura lieu. Mais ne pouvez-vous pas me donner une indication sur cette magnifique affaire? Je suis, comme vous le savez, un pauvre air qui peine, et j'aimerais avoir ma part du gâteau, s'il y en a un à disposition. » Mes lèvres sont scellées, répondit-il aussitôt. Je suis désolé, car il n'y a personne que j'aimerais plus aider que vous. Mais je pense être en droit de vous dire ceci. La City va bourdonner quand la nouvelle sortira. C'est immense, c'est colossal, c'est paralysant. Vous excitez ma curiosité à un point remarquable, ne puis-je m'empêcher de dire. La curiosité est au centre de mon métier, comme vous le savez. Il termina son verre de champagne et le reposa. Ses yeux, en les fixant sur moi, étaient pleins de gaieté. Je me demandais presque s'il s'amusait à mes dépens. Mais non, ses paroles suivantes étaient assez sensées. Il y a une autre petite chose dont je peux vous informer, Drousse, sans trahir de secret. Il se trouve que je sais que le rebreveté est un de vos amis. « Un de mes amis ? » m'exclamai-je. « Une connaissance, peut-être ? Je n'ai pas 3 amis au monde. Un grand ami, un admirateur aussi, » continua-t-il. « Un admirateur ?» répétai-je en le dévisageant, un admirateur dévoué. Qui est-ce? Allons, dites-le, Pollack, ne me tenez pas sur des charbons ardents. Passez en revue la liste de vos admirateurs, s'écria-t-il d'un ton taquin. Je vais risquer une supposition, alors. Mais ce n'est pas un admirateur, Vandeleur, dis-je. Ha ha, rugit-il, de mieux en mieux. Elle l'admire aussi, je crois. Elle? Une pensée étrange me saisit. Je sentis la bonne humeur que Pollack m'avait communiquée s'évanouir en un éclair. Je savais que malgré tous mes efforts, l'expression de mon visage avait changé. Pollack me regarda et dit d'un ton de triomphe. « Je vois que vous devinez. J'ai vendu la mèche. » Il gloussa. « N'est-ce pas superbe ? » ajouta-t-il. « Madame Sarah ! » m'exclamai-je quand je pus trouver mes mots. Il éclata de nouveaux rugissements de plaisir. « Il n'y a pas de mal à ce que vous sachiez cela, » dit-il. « Mais qu'y a-t-il? Vous avez l'air bizarre. » Le changement dans mon attitude devait l'avoir étonné. Je restais presque immobile, le regardant fixement. « Rien, » répondis-je, en parlant aussi calmement que possible. « L'admiration que vous avez remarquée est réciproque. Je suis heureux qu'elle ait si bien réussi. »« Elle est particulièrement heureuse, » continua Pollack, « à cause de sa jeune protégée, la charmante Donna Martha. La jeune dame en question va faire un très bon mariage, dans un certain sens, un mariage brillant. Et Madame Sarah va lui donner une dot. Ah, il y a peu de femmes aussi bonnes, aussi grandes que Madame Sarah. Elle a la sagesse des anciens et certains de leurs secrets aussi. Je ne répondis rien. La chose habituelle s'était produite en ce qui concernait mon ami de bonne nature. Il était ébloui par la beauté de sa cliente et s'était livré, victime consentante, de ses fascinations. « Je vois, ajouta-t-il, que vous êtes aussi sous ses charmes, qu'il ne céderait pas au pouvoir de ses yeux. La jeune dame, Donna Martha, est très bien, mais je lui préfère largement Madame Sarah. » Sur ces mots, il me quitta. Jamais n'eut d'homme plus prospère ou d'apparence plus heureuse. Il ne se doutait guère des pensées qui déferlaient dans mon cerveau. Sans retourner à mon lieu de travail, je pris un hansom et me rendis au bureau de Vandeleur. Mon cœur était plein d'une peur sans nom. Paula en avait dit beaucoup plus qu'il n'en avait l'intention. Ainsi, Donna Martha était fiancée. Fiancée à qui? Sûrement au pauvre, au jeune professeur infatué. Paula avait dit qu'à certains égards, le mariage proposé était brillant. Cela pourrait être une description appropriée d'un mariage avec le jeune professeur, dont la renommée attirait l'attention des plus grands savants d'Europe. Il était pauvre, certes, mais il détenait un secret. Ce secret pouvait signifier n'importe quoi, il pouvait même révolutionner le monde. Madame Sarah avait-elle l'intention, par ce piège subtil, de le lui arracher? C'était plus que probable. Cela expliquerait l'excitation et l'attitude de Polak. En fait, le plan était digne de son cerveau colossal. En entrant dans le bureau de Vandeleur, je fus surpris de le voir arpenter la pièce, son veston enlevé, les sourcils froncés par une pensée anxieuse. Il était manifestement au cœur d'un problème d'une ampleur peu ordinaire. Sur la table reposaient un certain nombre de bêchères, de cornues et d'éprouvettes. « Asseyez-vous, » dit-il brusquement, « heureux que vous soyez venu. Vous voyez ça ?» Il brandit un tube de verre contenant ce qui semblait être du lait. « Écoutez, » dit-il, « vous verrez que mes craintes étaient justifiées à l'égard de Piozzi. Pauvre garçon, il est pris dans les filets. Un messager pressé est venu de chez lui pour me chercher ce matin. J'ai deviné à son visage que quelque chose de grave s'était passé. Je me suis rendu à Duke Street immédiatement. J'ai trouvé le professeur dans sa chambre, à moitié habillé sur son lit, froid, haletant, livide. Il avait déjeuné une demi-heure auparavant. Il a murmuré des excuses pour son traitement à mon égard. Mais je l'ai interrompu et je suis allé droit au but. J'ai fait une enquête complète et je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'un cas d'empoisonnement, l'agent utilisé étant, selon toute probabilité, la cocaïne ou un alcaloïde apparenté. À l'aide de capsules de nitrate d'amyle, je l'ai remis sur pied, mais littéralement juste à temps. Quand je suis entré dans la pièce, c'était une question de vie ou de mort pour le pauvre garçon. Je crois que s'il n'avait pas eu une assistance immédiate, il serait mort en quelques minutes. Je lui ai sauvé la vie. Maintenant, Drouze, nous devons faire face à un fait. Il y a eu une tentative de meurtre délibérée de la part de quelqu'un. J'ai déjoué le meurtrier au moment de sa victoire. « Qui voudrait attenter à sa vie ? » m'écriai-je. « Est-il besoin de demander ? » répondit-il gravement. Nos yeux se rencontrèrent, nous restâmes tous deux silencieux. Quand j'étais avec lui ce matin, il était trop mal en point pour que je puisse obtenir de lui des détails quelconques. Donc, je ne sais rien du mobile ni des détails, mais j'ai découvert, au moyen d'une analyse minutieuse, qu'on a introduit dans le lait qui lui a été fourni un alcaloïde toxique du groupe de l'érythroxylon. Étant presque certain que le poison a été véhiculé par la nourriture, j'ai emporté une partie de son petit déjeuner. En particulier, j'ai pris une partie du lait qui se trouvait dans une cruche sur sa table de petit déjeuner. Et voici le résultat. Je retourne là-bas immédiatement et vous feriez mieux de venir. Vandeleur avait déversé ces paroles dans un tel torrent d'excitation qu'il n'avait pas remarqué combien il était inhabituel pour moi de lui rendre visite à cette heure si matinale de l'après-midi. Maintenant, cependant, cela sembla le frapper, et il dit brusquement « Vous avez vous-même l'air étrange. Vous n'êtes sûrement pas venu ici pour cette affaire. Vous ne pouvez pas en avoir déjà entendu parler. »« Non, » répondis-je, « je ne savais pas. Je suis venu de mon propre chef et pour une affaire assez importante aussi, et qui plus est, elle concerne notre jeune professeur, à moins que je ne me trompe fort. Je vous dirai ce que j'ai à vous dire dans le fiacre, Vandeleur. Cela nous fera gagner du temps. » Un hansom fut appelé et nous fûmes bientôt en route pour Duke Street. Pendant le trajet, je racontai à Vandeleur en quelques mots ce qui s'était passé entre Polak et moi. Il écouta avec l'attention qui le caractérisait toujours. Il ne fit pas une seule remarque. Au moment où nous entrions dans la maison, cependant, il se tourna vers moi et dit avec brièveté « Il est clair qu'elle a jeté son dévolu sur lui. Nous devons obtenir de lui ce qu'elle sait. Cela pourrait être une affaire de millions. » En arrivant à l'appartement de Piozzi, dans Duke Street, nous fûmes immédiatement introduits dans sa chambre par son domestique. Étendu sur le lit, se trouvait le jeune professeur enveloppé dans une ample robe de chambre. Son visage était d'une pâleur spectrale, et une teinte bleue était observable autour de sa bouche et sous ses yeux. Il se redressa langoureusement à notre entrée. « Vous allez mieux, je vois. Très bien. » dit Brandler d'un ton enjoué. Une très légère couleur monta aux joues du jeune homme. Il me jeta un regard presque perplexe. « Vous connaissez mon ami Drousse ?» dit Brandler. « Il est avec moi dans cette affaire et vient de m'apporter des informations importantes. Allongez-vous de nouveau, professeur. » En parlant, il s'assit sur le bord du lit et posa sa main sur le bras du jeune homme. « Je suis désolé de devoir vous dire, monsieur Piozzi, que c'est une affaire très sérieuse. Une analyse détaillée et rapide de ce que vous avez pris au petit déjeuner m'a montré que le lait qui vous a été fourni a été empoisonné. Quel est le poison, je ne saurais le dire. Il ressemble beaucoup à la cocaïne dans ses réactions. » Le malade frissonna, et une expression d'horreur et de stupéfaction traversa son visage. « Qui voudrait attenter à ma vie ? » dit-il, « du lait empoisonné. J'avoue que je ne comprends pas. La chose a dû être accidentelle, » continua-t-il fiévreusement, fixant ses yeux perplexes sur Brandler. Brandler secoua la tête. « Il n'y a eu aucun accident dans cette affaire, » dit-il avec insistance. « C'était intentionnel et mortel de surcroît. Vous ne seriez plus en vie maintenant si je n'étais pas venu à vous juste à temps. Il est de notre devoir, professeur, d'examiner attentivement chaque circonstance afin de vous assurer contre une nouvelle atteinte à votre vie. « Mais je ne fais de mal à personne, » répondit-il avec irritation. « Qui pourrait souhaiter m'ôter la vie ? C'est impossible, pour vous tromper. » « Laissons le mobile de côté pour le moment, » répondit Brandler. « Qu'on ait voulu attenter à votre vie est une chose certaine. Notre objectif actuel est de découvrir comment le poison s'est retrouvé dans le lait. C'est la question à laquelle il faut répondre, et avant que Drousse et moi ne quittions la pièce. « Qui vous fournit le lait, professeur Piozzi ?» Piozzi répondit par un geste langoureux vers la sonnette. « Mon domestique vous le dira, » soupira-t-il, « je ne sais rien de cette affaire. » Le domestique fut appelé, et ses informations furent brèves et précises. Le lait du professeur était servi par le même laitier qui approvisionnait tous les autres membres de l'immeuble. « Il est apporté tôt le matin, monsieur, » dit l'homme, « et laissé devant la porte de chaque appartement. La concierge ouvre la porte de l'immeuble à cet effet. Je le prends moi-même dès que je me lève. Et le pot reste devant votre porte, avec la porte de l'immeuble ouverte jusqu'à ce que vous le preniez ?» dit Vandeleur. « Oui, monsieur, bien sûr. »« Merci, » dit Vandeleur, « ce sera tout. » L'homme quitta la pièce. « Vous voyez, professeur, » remarqua mon ami, après que la porte se fut refermée sur le domestique, « comme la chose est simple. N'importe qui pourra verser du poison dans le lait. C'est bien sûr ce que quelqu'un a fait. Ces arrangements modernes ne tiennent pas compte des criminels déterminés. » Le professeur resta immobile, manifestement en profonde réflexion. Je remarquai alors pour la première fois qu'un air vieilli s'était glissé sur son visage. Cela l'améliorait, donnant de la stabilité et de la puissance à des traits trop juvéniles pour la masse de connaissances que contenait ce cerveau vif. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. Il était évident que ses méditations étaient tout sauf satisfaisantes. « Je suis le dernier homme à prétendre ne pas boire quand en fait évident me saute aux yeux, » dit-il enfin. « On a tenté de m'empoisonner. Mais qui ? Pouvez-vous me le dire, monsieur Brandler ?»« Je pourrais faire une supposition très avisée, » répondit Brandler. « Mais si je vous disais qui je soupçonne, vous seriez offensé. »« Pardonnez-moi mon accès de colère de l'autre soir, » répondit-il tout humblement. « Dites ce que vous pensez, je vous respecterai quoi que vous disiez. »« Dans mon esprit, » dit Brandler lentement, « je vois une femme qui a déjà essayé d'attenter la vie de ceux qu'elle se plaisait à appeler ses amis. » Le professeur se leva d'un bond. Malgré son affirmation véhémente qu'il ne céderait pas à ses émotions, il tremblait de tous ses membres. « Vous ne pouvez pas penser à Madame Sarah. Vous changerez d'avis. J'ai quelque chose à vous confier. Mercredi dernier, je me suis fiancé à Donna Martha. Oui, nous allons nous marier, et bientôt. Madame Sarah est folle de joie, et Donna Martha elle-même... Ah, je n'ai pas de mots pour dire ce que je ressens à son égard. Madame Sarah, de toutes les personnes, sera la dernière à vouloir me tuer, ajouta-t-il éperdument, car elle aime Donna Martha. « Je suis profondément désolé, professeur, malgré vos paroles et la déclaration très importante que vous venez de faire au sujet de la jeune dame qui vit avec Madame Sarah, de devoir m'en tenir à mon opinion qu'il y a un complot très bien ourdi et qu'il menace votre vie. Je crois toujours que Madame Sarah est la tête et le centre de ce complot. Prenez ma déclaration pour ce qu'elle vaut. C'est, je peux vous l'assurer, la seule chose que je puisse dire. Maintenant, je dois vous poser quelques questions, et vous devrez me répondre précisément. Je vous supplie de me dire la vérité, toute la vérité. Je le ferai, répondit le jeune homme. Vous m'émouvez étrangement. Je ne peux m'empêcher de croire en vous, bien que je me déteste de laisser la moindre suspicion se poser sur elle. Vandeleur se leva. Dites-moi, monsieur Piozzi, n'avez-vous jamais communiqué à Madame Sarah la nature de vos découvertes chimiques? Jamais. Est-elle déjà venue ici? Oui, plusieurs fois. La semaine dernière, elle et Donna Martha étaient toutes deux ici. J'ai donné une petite réception pour elle. Nous nous sommes amusés. Elle était délicieuse. Vous avez plusieurs pièces dans cet appartement, n'est-ce pas, professeur? Trois, répondit-il, assez là. Et vous et Donna Martha étiez peut-être seuls dans l'une de ces pièces, pendant que Madame Sarah s'amusait dans une autre, est-ce exact? C'est exact, répondit-il en rougissant. Madame Sarah et Donna Martha sont restées après le départ de mes autres invités. Madame Sarah est allée dans mon bureau. Elle a dit qu'elle s'assirait près du feu pour se reposer. Laissez-vous vos notes sous clé ou traînent-elles? Toujours sous clé. Il est vrai que les notes pour ma prochaine conférence étaient à cette occasion sur mon bureau. Ah! Interrompit Vandeleur. Personne ne pourra rien en faire, continua-t-il, et même, ajouta-t-il, si Madame Sarah avait pu les lire, cela n'aurait sûrement pas grande importance qu'elle connaisse mon grand secret avant le reste du monde. Piozzi, dit Vandeleur très gravement, je dois vous poser une autre question. Que Madame connaisse votre secret ou non, je dois savoir, et tout de suite. N'hésitez pas, professeur, votre vie ne tient qu'un fil. Vous devez me dire avec quoi vous comptez électriser la Royal Institution la semaine prochaine, maintenant, tout de suite. Le professeur parut étonné, mais Vandeleur resta ferme. « Je dois le savoir. Je me tiens responsable de votre vie. »« Drousse, » ajouta-t-il en se tournant vers moi, « peut-être pouvez-vous faire comprendre au professeur la nécessité de ce que je demande. Voulez-vous lui raconter cette histoire que vous m'avez relatée dans le fiacre ?» Je le fis sans délai. Mes paroles furent aussi brèves que possible. Je lui racontai mon entrevue avec Pollack, son excitation, sa révélation du fait que le breveté dont le brevet devait être protégé dans tous les pays du monde n'était autre que Madame Sarah elle-même. Bref, à ma grande joie, je réussis à lui transmettre mes soupçons. Toute son attitude changea. Il devint agité, presque hors de lui. Sa nervosité fit place à une force inattendue. Il se leva d'un bond et se mit à arpenter la pièce. « Ciel ! » s'exclama-t-il plus d'une fois. « Si en effet j'ai été dupé, mais non, c'est impossible. Pourtant, si c'est le cas, je me vengerai de Madame Sarah jusqu'à mon dernier souffle. « Pour l'instant, vous ne devez vous confier qu'à moi, » dit Vandeleur, posant une main sur le bras du jeune homme. « Maintenant, votre secret, il est en sécurité avec Drousse et moi-même. Nous devons le connaître. » Piozzi se calma aussi soudainement qu'il s'était abandonné à la rage. Il s'assit sur un canapé et commença d'une voix calme. « Ce que j'ai à dire est simplement ceci. » Puis en termes concis, il déversa pour le bénéfice de Vandeleur un récit de quelques procédés entre l'art et de formules, d'équations et de symboles absolument incompréhensibles pour moi. Vandeleur s'assit et écouta attentivement. De temps en temps, il posait une question qui recevait immédiatement une réponse. Enfin, Piozzi arriva à la fin de son récit. « Voilà toute l'affaire en un mot. »« Ma parole, dit Vandeleur, c'est très ingénieux et plausible. » Il pourrait se révéler d'un immense bénéfice pour le monde. Mais à l'heure actuelle, je n'y vois pas d'argent à se faire. Et l'argent est ce que Madame Sarah veut et entend avoir. Pour être franc avec vous, professeur, je ne vois aucune raison terrestre qu'elle veuille breveter ce que vous venez de me dire. Mais n'y a-t-il rien d'autre? En êtes-vous certain? Absolument rien, fut sa réponse. Eh bien, dit Vandeleur, je suis perplexe, je l'avoue, je dois réfléchir. Il fut interrompu par une vive exclamation du jeune homme. « Vous avez tort, après tout, monsieur Vandeleur, » s'écria-t-il. « Madame Sarah a l'intention de breveter autre chose. Pourquoi n'aura-t-elle pas une grande idée en tête, tout à fait indépendante de moi et des miennes? Ah, cela me soulage, cela me rend heureux. Certes, Quelqu'un a tenté de me tuer, mais ce n'est pas Madame Sarah, ce n'est pas la dame que Donna Martha aime. » Ses yeux brillèrent de joie, il rit d'une excitation fébrile. Après l'avoir apaisé de notre mieux, essayer d'obtenir une demi-promesse qu'il ne verrait ni Madame Sarah ni la jeune dame avant notre prochaine rencontre, nous le quittâmes. Alors que nous sortions de la maison, Vandeleur se tourna vers moi et dit « J'ai été invité à une réception ce soir chez nos amis communs, les Lauderdale. Je crois savoir que Madame Sarah et la jeune dame y seront présents. Voudriez-vous venir avec moi? J'ai le droit d'amener un ami. » J'acceptai avec empressement. Nous convînmes de quand et où nous retrouver, et nous nous apprêtions à nous séparer quand il s'exclama soudain. « C'est un problème difficile. Je n'aurai de repos que lorsque je l'aurai résolu. La découverte de Piozzi est ingénieuse et intelligente, mais pour l'instant, elle n'est pas exploitable. Je n'y vois pas clair, mais aucune piste ne doit être méprisée. D'ici notre rencontre ce soir, j'essaierai d'avoir un entretien avec Pollack. Donnez-moi son adresse. » Je le fis et nous nous séparâmes. Nous nous retrouvâmes tard ce soir-là dans la belle maison de Lauderdale à Portland Place. L'esprit et la beauté se trouvaient dans la foule joyeuse, ainsi que la sagesse, et une bonne part des cerveaux les plus brillants de Londres. Des hommes de renom se croisaient dans toutes les directions, mais Vandeleur et moi cherchions un visage et un seul. Nous la trouvâmes enfin entourée d'une foule d'admirateurs. Madame Sarah était à son plus brillant, et pourrais-je ajouter à son plus jeune aspect. Elle était vêtue de blanc et d'argent éblouissant, et chaque fois qu'elle bougeait, la lumière semblait se refléter de toutes parts. L'éclat de ses cheveux dorés était la seule couleur distincte sur elle. À ses côtés se tenait Donna Martha, une grande jeune fille pâle, presque trop mince pour une beauté absolue. Sa grâce, cependant, était indéniable, et bien que j'aie vu des visages plus beaux, celui-ci avait un singulier pouvoir d'attraction. Quand je la regardai une fois, j'eus envie de la regarder de nouveau. Et quand elle leva lentement ses yeux lumineux et les fixa sur mon visage, un frisson d'inavouable satisfaction me parcourut. Je commençais à comprendre pourquoi Piozzi s'était abandonné absolument à ses charmes. Sa présence ici, ce soir, en compagnie de Madame Sarah, produisait un effet aussi étonnant que rare. Chacune servait de parfait faire-valoir à l'autre, chacune semblait faire ressortir la rare fascination de sa compagne. Donna Martha me jeta un autre regard. Puis je la vis se pencher vers Madame Sarah et lui murmurer quelque chose à l'oreille. Un instant plus tard, à ma stupéfaction, la grande dame et la mince jeune fille étaient à mes côtés. « Monsieur Drousse, c'est un plaisir inattendu. Puis-je vous présenter ma jeune cousine, Donna Martha? Votre ami, Monsieur Vandeleur, est-il aussi ici ce soir? » « Oui, je vais le rejoindre, » répondis-je. Je m'éloignai en hâte, revenant un instant plus tard avec Vandeleur. Lui et Madame Sarah s'éloignèrent de quelques pas et se mirent à bavarder d'un ton agréable, comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Pendant ce temps, Donna Martha s'attardait près de moi. Je me mis à parler de sujets indifférents, mais elle m'interrompit brusquement. « Vous êtes un ami du professeur Piozzi ? » demanda-t-elle d'une voix hésitante. « N'est-il pas présent ce soir ?»« Non, » répondis-je. Il me vint à l'esprit de la mettre à l'épreuve. « Le professeur ne peut être présent et je suis désolé de devoir donner une raison grave à son absence, car sans doute Lady Lauderdale s'attendait à ce qu'il honore sa réception de sa présence. En effet, il devait être l'une des attractions, » répondit-elle, inclinant sa tête altière avec sa masse de cheveux bleu noir. « Il est malade, » continuai-je, levant maintenant mes yeux et les fixant sur son visage. Elle me regarda sans alarme et sans confusion. Elle ne montra pas la moindre émotion. Et pourtant elle était fiancée à cet homme. « Il était à l'article de la mort, » continuai-je presque durement, « mais il va mieux. Pour l'instant, il est en sécurité. » « Je suis désolé d'apprendre sa maladie, » répondit-elle alors doucement. « J'en informerai Madame Sarah. Elle en sera également peinée. » La jeune fille se retourna et s'éloigna. Je la regardais partir. Le bref moment où elle m'avait fasciné avait pris fin avec ce regard insensible. Mais qui était-elle? Que signifiait tout cela? Au cours de la soirée, Donna Martha s'approcha de nouveau de moi. « Monsieur Drousse, vous êtes l'ami du professeur Piozzi ?»« Certainement, » répondis-je. « Le préviendrez-vous de votre part, pas de la mienne, en aucun cas de la mienne, de rester à découvert samedi prochain. Vous devrez vous arranger avec mes mots, car je ne peux les expliquer. Dites au professeur, quoi qu'il fasse, de rester à découvert. »« Donna Martha !» appela Madame Sarah. La jeune fille s'éloigna d'un bond. Son visage était pâle comme la mort. Mais lorsque les yeux de Madame Sarah rencontrèrent les siens, je remarquai qu'une vague de pourpre teintait son visage et son cou. Sur le chemin du retour, je racontai à Brandler les étranges paroles de Donna Martha. Il haussa les épaules. « Je suis fermement convaincu que cette malheureuse jeune fille bouge et parle dans un état de transe. Madame Sarah l'a hypnotisée, je n'en doute pas. « Vous avez peut-être raison, » dis-je avec empressement, « et l'état de transe a peut-être été levé lorsqu'elle m'a dit ces mots. Cela offrirait une solution possible. Mais que peut-elle vouloir dire en demandant au professeur de rester à découvert ?»« La jeune fille nous met manifestement en garde contre Madame Sarah, » dit-il brièvement, « et les circonstances, toutes les circonstances, semblent pointer vers le même danger mortel. Là où va Madame Sarah, la mort se promène. Que faire ?»« Mais là, Drousse, » ajouta-t-il avec pétulance, « la vie du professeur n'est pas mon affaire. Je dois dormir, ou je perds dans la raison. Bonne nuit, bonne nuit !» Les jours suivants passèrent sans aucun événement notable. Je ne vis ni n'entendis parler de Madame Sarah et de sa jeune invitée étrange, pas plus que je n'entendis parler du professeur, ni ne vis Vandeleur. Je passai chez lui une fois, mais il était sorti, et le domestique m'informa que son maître était particulièrement occupé, et par conséquent n'était presque jamais à la maison. Enfin, le jour se leva, qu'il devait voir le professeur Piozzi au moment de sa gloire. Je reçus un mot de Brandler par le premier courrier, m'annonçant qu'il avait obtenu des billets pour lui et pour moi pour la conférence à la Royal Institution ce soir-là. Peu après, je me trouvai chez Brandler. Son domestique ouvrit la porte, et avec un air de soulagement, me demanda de monter sans délai au salon. On m'attendait donc, ou du moins, on me souhaitait. La première personne que je vis en entrant dans la pièce fut mon vieil ami Samuel Pollack, et en regardant autour de moi avec un certain étonnement, j'aperçus aussi le jeune professeur enfoui dans les profondeurs d'un fauteuil, le visage spectral et le bras en écharpe. « Ah, Drousse, » dit Vandeleur, « vous êtes le bienvenu. Vous arrivez à point nommé. J'allais justement éclaircir cette affaire extraordinaire en présence de M. Pollack et du professeur. Votre arrivée sur les lieux complète mon auditoire. Maintenant, messieurs, veuillez écouter. Le brevet, M. Pollack, que vous négociez pour Mme Sarah, est, comme vous l'imaginez, un secret. Je ne vous demande pas de me révéler ce que c'est, car je me propose de vous le dire. Mais d'abord, vos opérations pour obtenir les droits de brevet sont-elles terminées ?»« J'ai le regret de dire que non, monsieur, » répondit Pollack. « Je m'en doutais, et j'ajouterai que je l'espérais. Maintenant, écoutez. La clé de la description des brevets n'est rien de plus ni de moins que la découverte stupéfiante de la synthèse chimique des albuminoïdes, en d'autres termes, un moyen de fabriquer des aliments artificiels d'une manière qui a longtemps été recherchée par les hommes de science, mais qui a jusqu'à présent échappé à leur recherche. » Une exclamation d'étonnement s'échappa de la bouche de Pollack, nous apprenant que la supposition de Vandeleur était correcte. « L'autre jour, lorsque vous m'avez parlé, professeur, » continua Vandeleur, en fixant ses yeux sur le visage du jeune homme, aussi intéressante que j'ai trouvé votre découverte, je ne pouvais l'appliquer à des fins commerciales ni voir pourquoi il était si nécessaire d'obtenir des droits de brevet pour sa protection. J'étais certain, cependant, qu'il existait une telle solution. Il m'est venu aux petites heures de ce matin. Vous n'avez pas saisi la déduction de votre découverte des plus intéressantes. Je m'attribue le mérite de l'avoir fait, et sans aucun doute, Madame Sarah, qu'elle soit votre amie ou votre ennemie, aperçu l'énorme bénéfice financier qui reviendrait à ceux qui pourraient détenir des droits de ce brevet. Il va sans dire qu'elle a lu vos notes et vu d'un coup d'œil ce que vous n'avez pas du tout saisi et ce que j'ai mis des jours à découvrir. La tentative de meurtre sur votre personne est maintenant expliquée, ainsi que le curieux accident de fiacre à Regent Street que vous venez de subir. L'objectif de Madame Sarah est soit de vous assassiner, soit de vous rendre incapable de donner votre conférence ce soir. Elle sait bien sûr qu'une fois que vous aurez proclamé publiquement votre découverte, un cerveau astucieux aux aguets pourra en déduire la valeur financière. Ainsi, elle voit la possibilité d'être devancée ou rivalisée, car M. Pollack vient de déclarer que les droits de brevet ne sont pas encore obtenus. Madame Sarah a donc décidé que votre conférence n'aurait pas lieu, ni que votre idée ne serait pas livrée au monde avant qu'elle ne se soit assurée de manière incontestable d'avoir obtenu les droits du brevet. Je prendrai soin de vous garder, professeur, jusqu'à votre apparition devant la Royal Institution à 8 heures ce soir. Et je conclus, Monsieur Pollack, que vous, connaissant enfin les faits réels de l'affaire, annulerez immédiatement toutes les négociations avec Madame Sarah. Je présume, monsieur, ajouta-t-il en s'inclinant devant Piozzi, que voudrait qu'il négocie l'affaire en votre nom? Une inspection sommaire de celle-ci doit signifier une fortune énorme pour vous, car sans aucun doute, la synthèse chimique des aliments résoudrait certaines difficultés qui se présentent maintenant à la race humaine. Le professeur resta tout à fait silencieux une minute ou deux, puis il se leva et dit lentement « Je vous suis, monsieur Vandeleur, et je vois que votre déduction est la bonne en ce qui concerne l'importance financière de ma découverte. Comment je ne l'ai pas vue plus tôt moi-même me laisse perplexe. Quant à Madame Sarah, je préférais ne pas mentionner son nom pour le moment. » Vandeleur ne répondit pas à cela, et un instant plus tard, Pollack prit congé. Je me levai aussi pour partir. « Revenez dîner avec nous, Drousse, » dit Vandeleur. « Si le professeur Piozzi refuse de parler de Madame Sarah, je ne mentionnerai pas non plus son nom. Nous saurons bientôt à quoi nous en tenir. » Le reste de la journée se passa sans aventure. Le dîner chez Vandeleur se révéla quelque peu morne. Aucun de nous n'était de bonne humeur et, sans l'avouer, nous étions tous anxieux. Quant au professeur, il ne dit presque pas un mot et toucha à peine à sa nourriture. Vers 8h-10, nous nous trouvâmes à la Royal Institution. Plusieurs scientifiques de premier plan étaient là pour accueillir le distingué conférencier. Je jetai un coup d'œil par derrière dans la salle. Elle était bondée de l'avant à l'arrière. L'estrade était décorée avec goût de palmier. L'un, d'une grâce et d'une taille particulière, laissait pendre ses frondes en forme de doigts sur la table à laquelle Piozzi devait se tenir. En le voyant, j'entendis aussi distinctement que si les mots étaient à nouveau prononcés, « Dites-lui, quoi qu'il fasse, de rester à découvert. Dites-le-lui, de votre part. » Je ne l'avais pas fait. Une impulsion momentanée me saisit. J'irai trouver Piozzi et lui demanderai de faire déplacer sa table et sa chaise au centre de l'estrade. Puis je réfléchis qu'une telle démarche causerait l'étonnement et que le professeur refuserait probablement de s'y conformer. Je regardais de nouveau dans la salle et maintenant je sursautais visiblement, car au premier rang, en brillante tenue de soirée, était assise Madame Sarah et sa jeune cousine. Le visage de Donna Martha, habituellement si pâle, était maintenant rehaussé d'une lueur cramoisie sur chaque joue. Cette couleur inhabituelle faisait ressortir sa beauté à un degré éblouissant. Je remarquai en outre que ses yeux avaient une expression voilée. Je me souvins des paroles de Vandeleur. Sans aucun doute, Madame Sarah avait hypnotisé sa victime. Quant à ce que tout cela signifiait, j'avouerai que mon cerveau était en plein tourbillon. Quelques minutes passèrent, puis au milieu d'un tonnerre d'applaudissements, Piozzi, pâle comme liboire, monta sur l'estrade et se dirigea droit vers la table sur laquelle pendait le gracieux palmier. Après quelques mots par lesquels le jeune professeur fut présenté par le président de la soirée, la conférence sur laquelle tant de curiosité s'était portée commença. Vandeleur et moi nous tenions côte à côte près de l'une des portes d'entrée. D'où nous étions, nous pouvions bien voir Piozzi. Le visage de Vandeleur était rigide comme l'acier. Un quart d'heure passa et, phrase après phrase, mot après mot, le jeune homme mena à son point crucial sa grande annonce. « Regardez !» murmura Vandeleur, me saisissant le poignet. « Qu'est-ce qui lui prend, au nom du ciel ?» Le professeur parlait encore, mais ses mots sortaient en phrases lourdes et indistinctes. Soudain, il s'agrippa à la table des deux mains et se mit à se balancer d'avant en arrière. L'instant d'après, il cessa de parler, chancela, fit une embardée en avant et, avec un grand fracas, tomba sans connaissance sur le sol. La scène de consternation fut indescriptible. Vandeleur et moi nous précipitâmes tous deux. L'homme inconscient fut emmené dans l'une des antichambres et, par l'application immédiate de stimulants et une grande bouffée d'air frais, causée par les fenêtres ouvertes, il reprit progressivement ses esprits. Mais qu'il fût encore très malade était évident. Son cerveau était confus, il pouvait à peine parler, sauf par allaitement. Un médecin présent offrit de le raccompagner chez lui. Nous le portâmes jusqu'au premier fiacre que nous pûmes trouver. Je lui murmurai à l'oreille que je passerais le voir plus tard dans la soirée, puis je retournai dans la salle. Vandeleur m'attendait. Je sentis sa poigne sur mon bras. « Montez tout de suite sur l'estrade, » dit-il. L'excitation dans sa voix n'était surpassée que par l'expression de son visage. La plupart de la foule s'était dispersée, sachant bien qu'il n'y aurait pas d'autre conférence ce soir-là, mais quelques personnes s'attardaient encore sur les lieux. Je cherchais en vain Madame Sarah et Donna Martha, ni l'une ni l'autre n'était visible. Vous voyez ceci, dit Vandeleur, montrant le grand palmier qui dominait la table à laquelle Piozza s'était tenu. Et regardez ceci, répéta-t-il, saisissant l'une des branches et la secouant. Les longues feuilles vertes et effilées s'entrechoquèrent avec un étrange son métallique. « Regardez ici !» dit Vandeleur, et il montra les fines pointes d'une des feuilles. « Cette plante n'a jamais poussé. Elle est fabriquée. C'est une imitation artificielle faite avec une habileté des plus surprenantes. Le pot dans lequel elle se trouve a certainement de la terre au-dessus. » Il en balaya une poignée, mais en dessous se trouve un réceptacle qui génère du monoxyde de carbone. Il se pencha et cassa une des branches. Creuse, vous voyez? Ce sont les tubes pour amener le gaz aux feuilles, à l'extrémité de chacune desquelles se trouve un orifice. Le professeur Piozzi se tenait sous une véritable douche de ce gaz, qui est inodore et incolore, et qui provoque l'insensibilité et la mort. Il l'a submergé, comme vous l'avez vu, et il lui était impossible de terminer sa conférence. Un seul être humain a pu concevoir et exécuter un tel dispositif. Si nous pouvons le lui attribuer, elle passe la nuit à Bow Street. Nos mouvements furent rapides. La plante fut emmenée chez Vandeleur. Le fleuriste qui avait fourni les décorations fut interrogé. Il se déclara stupéfait. Il nia toute complicité. Le palmier ne venait certainement pas de chez lui. Il ne pouvait dire comment il était arrivé dans la salle. Il était venu lui-même voir si les décorations étaient exécutées selon ses instructions et avait remarqué le palmier et commenté sa grâce. Quelqu'un avait dit qu'une dame l'avait apporté, mais il ne savait vraiment rien de précis à ce sujet. Malgré toutes nos enquêtes, nous ne découvrîmes jamais non plus comment ce palmier s'était mêlé aux autres. Nous apprîmes plus tard que Donna Martha avait quitté Londres pour le continent cette nuit même. Quels furent ses mouvements ultérieurs, nous ne pûmes jamais le savoir. Sans doute, ayant joué son rôle dans la partie brève qui lui était assignée, Madame Sarah l'avait laissé sortir de sa vie comme elle le faisait de la plupart de ses autres victimes. Il y eut cependant une satisfaction. Le complot sur lequel tant de choses reposaient avait échoué. Madame Sarah n'avait pas réussi. Le professeur Piozzi, les yeux enfin ouverts sur cette femme, déposa son brevet sans délai. Ainsi s'achève le sujet de toutes les conversations par L.T. Mead et Robert Eustace.